Rex n'est pas venu pour écraser l'homme. Il rebâtira la Belgique, politiquement et socialement. Il grandira les âmes dans le travail, dans l'affection des citoyens, et pour le seul salut de la patrie, Rex vaincra.